Bonsoir. Bienvenue ce soir en animation Kiss. Kiss pour vous ce soir. Merci Kiss. Merci Denis. Allez, un peu d'ambiance ce soir. Je veux tout le monde sur la piste. Oui, je veux que vous veniez tous danser. Allez, si vous êtes à la buvette, vous la lâchez, vous prenez vos verres et tout le monde sur la piste. On danse, on chante. Allez, on lève les doigts, on lève les bras, on se balance. Allez. Ce soir pour vous, un générique de début de soirée. Et bien l'anime. Merci, bonsoir.